Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à notre spécial d'hiver. Alors, ici Frédéric Barbouchi en compagnie d'Antoine Vézina. Fred, je te salue, Carlis. Non, c'est fini ça. Ok, on sac plus. Non, celui-là, il n'est pas explicite. C'est normal. Grand public. Jean-Philippe Durand. Un salut courtois, Frédéric. Merci bien, et à mon ami Antoine. Oh, et salut. Mathieu Bouillon. Bonsoir. Il est mystérieux. Cacher son œuf. Cacher cet œuf-là. C'est un œuf que je ne saurais voir. Oui, alors. On a eu des plaintes. Ouais. On ne peut pas passer le podcast de la semaine dernière. C'est bien la première fois qu'on a des plaintes. Sinon des menaces. Mm-hmm. Je ne répéterai pas ce qui s'est dit. C'est quelque chose. Oui. Mais je pense qu'on a illustré notre point. Puis que pas de problème, il est prêt à aller là où les gens ne veulent pas aller. Mm-hmm. En fait, c'est le CRTC qui a voulu nous arrêter, le Conseil religieux de Terrebonne et compagnie. Ça, tu l'as inventé à mesure? Ou, ça paraissait pas, hein? C'est sorti là. Terrebonne et compagnie, eux autres, ouais. Là, mettent leur nez dans tout. le maudit conseil religieux. Ils peuvent pas juste faire de la confiture. Ouais. C'est eux autres qui ont fait mettre des gros cols roulés à Marilyn à l'époque dans le téléroman. Oui! Je trouvais que Marilyn était indécente. Ah, une femme avec un balai assez suggestif. On sait pas ce qu'elle met, ce balai-là. Hey, ça, ce podcast-là... ça va pas bien. Si on n'a pas 8000 downloads. Alors, comme à chaque semaine, on prend un problème proposé par un auditeur et, et puis, qu'est-ce qu'on fait? On propose des solutions. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas expliqué. C'est quoi, oui, bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue. Donc, cette semaine, nous avons un problème de Frédéric Doyon. Exactement. Ben, Doyon donc, toi. Mais il dit « Doyon donc » dans son problème. Ah! C'est pas vrai, Mathieu. Ah, OK. Ah. Doyon donc. Ça vient de Frédéric Doyon. Voici mon problème. Don Cherry est payé par la CBC, donc mes impôts. La CBC ne semble pas vouloir se départir de lui. Donc, comment faire pour ouvertement omettre de payer ses impôts sans aller en prison? Merci. Est-ce qu'il propose quand même... une solution à son problème. Tu sais, c'est ça. Moi, je trouve ça un peu confus comme problème parce que son plus grand problème, est-ce que c'est Don Cherry? Je pense que c'est un exemple. Cherry, non? Non, mais je pense que C'est Don Cherry. Parce que, si vous me permettez, Don Cherry serait payé autour de 750 000 $ par année. Ah! Comment tu as ça, Antoine? J'ai des contacts. OK. On serait 34 millions de Canadiens. En supposant qu'il y a un Canadien sur deux qui paye de l'impôt, puis là, je compte pas les compagnies, évidemment, qui payent énormément d'impôts, 750 000 divisé donc par 14 millions, ça représente 4,4 sous. Donc, ce que Frédéric veut, c'est son 4,4 sous. on va aller le trouver. Essentiellement, c'est ça, là. Une déduction de 4,4 sous avec autre chose. Ben là, il peut tricher un peu pour 4,4 sous. Selon moi, il n'ira pas en prison. Évidemment, je ne conseille pas à personne de faire des crimes là, comme ça sur un podcast public. Mais essentiellement, c'est ça, là, si on ramène ça à cette échelle-là. Et c'est uniquement Don Cherry. Si c'est symptomatique des différentes décisions que prennent l'État, il fait « Moi, je veux pas participer à ça, je veux pas payer d'impôts pour cette décision de marde. » Mais en même temps, j'ai le défi de trouver un État qui va satisfaire toutes ces... Non, mais il y a des États où tu ne payes pas d'impôts, au moins. Bon, faites bien ce que vous voulez, mais au moins... Moi, je vous en donne pas. On le sait au Québec en particulier, un des endroits les plus imposés au monde. Au Canada, c'est pas loin derrière. Alors, aussi, c'est ça aussi, c'est ce rapport-là de dire, plus de liberté individuelle, moins d'État, je paye moins d'impôts, tant pis pour les pauvres. Enfin, il y a d'autres systèmes, là, c'est ça, là, parce que je ne veux pas trop donner mes couleurs politiques non plus, mais il y en a pour qui, certains grands économistes, c'est la solution. Moins de taxes, moins d'interventions, libre marché, puis c'est ça qui va, tout ça va s'auto-réguler, ça, plus de richesses. C'est comme un peu la plateforme des Républicains aux États-Unis. Puis, absolument. Même aussi les conservateurs. Oui, mais c'est deux grandes écoles économistes. Là. Au-delà des individus qui peuvent profiter de ça, c'est des pensées qui ont été étudiées. Mais pour l'instant, le libre marché fonctionne plus ou moins. Dans les 80 dernières années, il y a eu 10 crises majeures que les gens n'ont pas vu venir. C'est un désastre. Ceci dit, je pourrais conseiller à Frédéric quelques paradis fiscaux. Que c'est ça l'idée ultime. Oui. 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est pour ça que tu me parles à moi. C'est Frédéric Doyon. 2000 ans avant Jésus-Christ, déjà, les gens voulaient éviter de payer des taxes. Alors, les marchands, avec les Grecs, se donnaient rendez-vous ailleurs que dans les ports pour échanger leurs marchandises et payer directement. Ah. Parce que quand tu faisais dans le port, tu payais au port, tu payais une taxe. OK, wow, c'est vrai. Et d'où l'idée du offshore. Ah. Faire ça loin de la côte. Tu fais pas ça au port, tu fais ça loin des eaux internationales. Mais moi, je vais acheter tous mes trucs au Costco dans l'eau, là. Il y a Costco dans l'eau, il n'y a pas de taxes. Oui. Mais c'est drôle quand je t'interromps. Tu sais comment la religion catholique a quand même démonisé les impôts. T'sais, vous vous rappelez que les collecteurs d'impôts étaient vus comme des pêcheurs. T'sais, Saint Matthieu, l'apôtre, Saint Matthieu était d'abord collecteur d'impôts. Mais tu sais, c'est drôle quand même. C'est comme si l'impôt, c'était mauvais, tu sais. C'est son travail, au gars, enfin. Ouais, bon, c'est forcé le monde. Ouais, c'est embêtant. Une belle parenthèse. Ouais, excusez, c'était plate. non, pas du tout. Le boom de 85 à 95, les Caraïbes, petits pays d'Asie, tout ça, ça l'a quintuplé, la somme d'argent qui était dans les paradis fiscaux. Et on évalue, autour des années 2000, qu'il y avait 10 000 milliards de dollars qui échappaient, donc, aux différents États, donc aux taxes et aux impôts, ce qui représente des sommes évidemment énormes. Mais le problème, c'est que ça devient maintenant inhérent à notre système. Il y a l'économiste Chambost, que vous connaissez peut-être, qui a évalué, lui, en 2010, qu'il y avait 35 % de l'argent de notre économie qui transite par des paradis fiscaux. Donc, ça devient un rouage essentiel, la patente. C'est énorme. Ça les enlève tout d'un coup, il y a quelque chose dans la machine qui ne fonctionnera plus, selon lui. Mais l'OCDE veille au grain et nous propose différentes solutions. Mais pour Frédéric, paradis fiscaux, je lui conseille en particulier sur la liste noire le Costa Rica et la Malaisie. Oui, ça fonctionne très bien pour moi. Oui. Impôts insignifiants ou inexistants, absence de transparence du régime fiscal et l'absence d'échange de renseignements. Ce sont les trois critères pour l'OCDE pour déterminer si un pays serait un paradis fiscal. OK. Oh, wow. Ben, il n'y a à peu près pas de taxes. Tu mets tes affaires là, ils ne donnent pas les données aux autres pays, ils ne peuvent pas le savoir. Wow. Sinon, Frédéric pourrait, au Canada, sans être un paradis fiscal, mais quand même, les mouvements religieux ont de très grands avantages fiscaux. Donc, si Frédéric adhérait à une religion, ou partait une religion... Pour 4,4 cents. Ben oui. Pour 4,4 cents, mais au niveau municipal, ils ne payent pas de taxes. Il y a toute une série d'avantages fiscaux. Il y a beaucoup de mouvements religieux au Canada qui profitent de ça. Sinon, l'espèce d'exception que tout le monde, que vous connaissez peut-être pas, mais que j'ai entendu beaucoup parler ces derniers temps, c'est le Delaware. Qui ne taxe pas, il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices au Delaware. OK, Ils ont énormément, donc ils attirent comme ça les sièges sociaux des grandes compagnies. Oui, il y a beaucoup de grandes compagnies au Delaware. Au Delaware, pas d'impôt sur les bénéfices. Wow. Les gens vont s'installer là. Frédéric, bon voyage! Mais oui. Mais oui, mais... Je serais heureux, Delaware, là-bas. Peut-être... c'est peut-être le verre à moitié plein, à moitié vide. Ouais. Parce que... À quoi servent tes impôts? Ils pourraient se concentrer sur les bonnes choses qu'on a avec nos impôts, c'est-à-dire la sécurité, l'infrastructure, ces trucs-là. La santé, tout ça, écoute. Peut-être éliminer Don Cherry d'une façon ou d'une autre et après ça, juste plus s'en faire. C'est clair. Il y a des choses qui existent au Québec aussi, Antoine, dont le compte d'épargne libre d'impôt de Desjardins, le CELI. Qui, oui, le CELI. C'est possible de mettre un montant annuellement là-dessus. Frédéric aussi, marié une Amérindienne de souche. Oh! Il y a encore d'autres avantages qui viennent d'être. Oui, c'est ça, parce qu'en soi, c'est un abri fiscal, parce qu'ils ne payent pas d'impôts, ces gens-là. Donc, c'est possible d'endosser certaines choses par rapport à sa blonde. Donc, cacher de l'argent dans la robe de ta squaw. Là, donc, exactement. Dans ses mocassins. Dans ses mocassins. Un autre problème explicite. Oui. De quelle manière, Fred? Peut-être que Frédéric pourrait donner rendez-vous à Don pour qu'il lui redonne son 4,4 sous. Tu sais. Ça, c'est pas pire, ça. Puis, on sait comment il adore... Les Québécois. Oui. J'ai besoin de ce 4 sous-là pour m'acheter un nouveau costume. Oui, déjà, Mais c'est Cherish Your Cherry, hein, parce que c'est un des 10 greatest Canadians. Arrête, selon qui? Ouais. Wow. Selon le Canada. Avec Nelly Furtado puis Marie-Mé, je veux dire. Ouais, genre. Okay. Marie-Mé est 12e. Un athlète olympique. Puis non, Tim mais Campbell. Peut-être, moi, en tout cas, au niveau du Don Cherry, peut-être se concentrer sur d'autres Don Cherry, comme le trompettiste et père de Néné et Eagle Eye. Cherry? Eagle Eye Cherry, là? Oui! Save the night. Et Néné Cherry, qui est Buffalo Stance. OK, wow. Donc, il s'appelait Don Cherry, son père, wow. ainsi que le chanteur et golfeur américain Don Cherry, né en 1924. Donc, il y en a d'autres sur lesquels il peut se concentrer. Ça, c'est bon. Nene Cherry, c'est Seven Seconds, oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Buffalo Stance, ça. Looking good today. Ouais. Looking good in every way. Oui. Mais aussi, c'est ça, mais trouver, lui, des avantages, comme tu le disais, ou des personnalités qui sont encouragées par l'État. Que oui. d'autres gens n'aiment pas, lui, il fait, ben, moi... C'est vrai. Parce que l'idée, c'est d'avoir un équilibre là-dedans. On ne peut ouais. pas avoir uniquement... Quels sont ses avantages? Quels sont les avantages? Ben, je sais pas, moi, il trippe sur Robert Lepage. Il y a du monde qui l'haïsse à mort. Ouais. Mm. Ben, Robert Lepage est peut-être un des artistes les plus subventionnés par l'État. Alors, ben, tu fais, ben voilà, il y a une espèce d'équilibre. Mais il va y avoir des gens qui aiment Don Cherry. Je ne peux pas croire qu'il est juste là. Ouais. Parce que tout le monde l'haït. Mais il y a toute une grosse gang qui n'aime pas non plus. Voyons, c'est celle qui s'est faite interviewer. Margie Gillis. Ouais, ouais. C'est vrai. Ah, c'est spécial. Oui. C'était spécial. C'était spécial. Ouais, ben, c'est pas grave, ils ont des codes d'écoute de 9000 personnes. Ben, c'est, ça ne change ouais. rien ouais. en soi. Là. Ça a eu un plus gros éclat sur Facebook. Que dans la vraie vie, ce soit là. Mais peut-être s'arranger pour qu'RDS engage moins de jambon ou que Radio-Can revienne avec la soirée du hockey. Mm. Peut-être. Mais ça, c'est le rôle de l'État. Non? Ouais. Non, non, mais je veux dire, c'est le rôle de l'État de faire... De faire de la télé. Ben, là, de faire un spectacle. En tout cas, moi, c'est... De diffuser le sport olympique de son pays. Non, mais c'est le rôle de l'État de faire de la télé. Mais je veux dire, c'est... En théorie, si on veut avoir d'autres choses que... Ben, quoi que... J'allais dire d'autres choses qui vont... que des émissions à succès pour aller chercher des codes d'écoute, mais là, c'est quand même ben, ça c'est ça, parce que Don Cherry, ben oui, mais c'est ça. T'sais. Ben, ils veulent du monde aussi. Ouais, ouais, ce moment-là, ouais. c'est pas uniquement la diversité. Exactement, puis tu sens le mandat de la société d'État aussi ouais. qui recherche... Ouais. Ce serait vicieux aussi, parce qu'il faut des commanditaires, il faut des gens qui achètent de la pub, il faut des émissions qui soient écoutées. Puis quand même que tu fais 6 émissions d'affaires publiques, c'est pas l'affaire qui vend de la pub, ça te permet pas de faire... C'est juste un cercle vicieux, en soi. Très Frédéric. Non, parce que sinon, je veux dire, la SAQ, tu sais, c'est public. C'est public, ben ouais. c'est vraiment. Et ce qui fait en sorte que la SAQ nous offre une panoplie de boissons qu'on pas tant que ça, semble-t-il. On peut en avoir plus si c'était privé. Hein? Oui, oui. Ah, moi, j'ai entendu dire le contraire. C'est quand c'est privé, tu fais juste acheter ceux qui se vendent le plus. Ah, peut-être. Puis là, ben... Ben, t'as avantage en fait. Ben, écoute, faudrait voir, non? Faudrait voir. Faudrait voir. Ouais. Non, parce non, que mais si tu regardes les États-Unis, les genre, voyons, les stores... Ouais, les liquor stores. Ben, c'est toutes des grosses affaires tequila, swing, puis... Ouais, mais ça dépend des goûts. Mais si tu regardes d'autres domaines, comme la liqueur, là, ouais. qui, écoute, ils t'en offrent, ils sortent des nouveaux produits, ils essaient d'élargir leur palette, ils essaient de t'encourager la multitude, là. Écoute, mais c'est une bonne question. Là. Peut-être que ça marche dans les deux sens, là. Ouais. Mais toujours est-il, si on revient à ne pas payer d'impôts, y a-tu d'autres idées qui pourraient... Ben, pas faire d'argent, hein. Ça, c'est la grosse barre. Ouais. Ça, mais il y a des moyens aussi pour moins payer d'impôts. Soit, si jamais t'es travailleur autonome, Frédéric, de ramasser les factures de tout le monde que tu connais. Oui, c'est vrai. Les grosses factures, là, puis les faire passer sur tes impôts en déductible. Ça, c'est super bon. Les factures d'Antoine, là, de son Hummer, là, des factures de 145$ de gaz. Ouais. Évidemment, il y a parfois des gens malhonnêtes. Tu peux tricher ton rapport d'impôt, faire de fausses déclarations. Oui. Ceci dit, Frédéric, je te donne un petit conseil, pas que je l'ai déjà fait, mais de t'assurer de ta distribution de chiffres à l'intérieur de ton rapport d'impôt. Aussi c'est étonnant que je fais une petite parenthèse, là, je vois des yeux qui se ferment tranquillement. Les chiffres de 1 à 9, si tu prends un journal, par exemple, oui. ou un rapport d'impôt, puis tu comptes les chiffres. Là. Ouais. Alors, il y a 1, il y a 3, 2, et ainsi de suite. Et d'avoir une distribution où tu vas avoir plus de 1 que de 2, que de 3, que de 4, jusqu'à 9. OK. Puis moins de 9 à la fin. Une distribution normale. Parce qu'on commence toujours par compter par le 1, tu fais 1, 2, 3, puis tu fais 1, 2, 3, 4, 5. En théorie. Donc, dans un rapport d'impôt, ça devrait être la même chose. Oh. Mais souvent, quand tu triches les chiffres, eux, au lieu de tout regarder, ils vont juste compter ces chiffres-là puis regarder la distribution statistique. Wow! Si la distribution est trichée, ils vont dire, ah, il y a quelque chose de suspect là-dedans. C'est bien drôle. Surtout qu'en plus, dans un rapport d'impôt, pour tricher, les limites, souvent, c'est genre 10 000 $ que tu déclares 9 982, tu sais. Okay. Il va y avoir encore plus de 9 que normalement dans un rapport qui va être falsifié. Mais, si tu le sais ça, ben là, tu t'arranges pour faire une belle distribution. Comme ça, ça risque de mieux de passer sous le radar. Ah ben, c'est intéressant. Tu fais 9111. Ben voilà, ouais, exact. Tu balances rien. Il y a trop de 1 là-dedans. Trop de 1. Ben, c'est ça, il faut écouter. Il faut gagner. Wow. Ça te prend plus de temps à compter tes chiffres que, oui. que faire. Que... Pour sauver, je le rappelle, 4,4 cents. Merde, ouais. J'ai mis 91C7. Non. Mais sinon, toi, Fred, t'as longtemps couché avec une fiscaliste, hein, je pense. Oh. J'aimerais mieux pas en parler. Okay. Marie? Marie, ouais. Marie. Hey, on revient pas là-dessus. L'épisode du passé. Ouais. Mais tu sais, il y a toutes les affaires de des rapés, tes REER, puis ces affaires là. Tu peux sauver de l'impôt. Ben oui, mais là, écoute, il y a toujours la contribution au REER, mais en théorie, tu vas payer de l'impôt plus tard quand tu vas retirer si tu fais de l'argent. Il y a le CELI. Mais bon, ça, évidemment, je pense qu'il faut consulter, mais c'est intéressant. C'est des petits montants, par contre. Est-ce qu'on dons de charité? Oui, très bon. Est-ce qu'on paye l'impôt quand on est dans la rue? Écoute, ça, c'est... Je pense que non, là. Ça prend un certain volume. Si on n'a pas d'adresse fixe, est-ce qu'on... Tu ne dois pas déclarer tes seringues souillées trouvées. Ah, elles ne sont pas toutes comme ça, Mathieu. Juste deux. Non, mais moi, une de mes solutions, ce serait de courir. Sans arrêt. Ouais. Tu vas à ton travail, tu cours dans ton bureau. Forest. Ils te trouveront pas. Ouais. Très étrange. Non, c'est ça. Non, mais... écoute, ou changer les idées, faire du scrapbooking. Scrapbooking. Voilà. Scrapbooking. Tour du monde en bateau. pauvre. Charité. Vivre avec la charité. On en parlait dans un autre podcast. Mm. Et oui, ben sinon, ben c'est de donner une voix à sa voix, mettons, là. Puis il décide de ne pas payer d'impôts. Ben, qu'il le fasse en long et en large, puis que ça soit crié sur les toits. Faire un stunt. Faire un stunt là, de son opinion. Là, ça donnera peut-être de quoi. Là. Peut-être que Don sera enlevé là, s'il fait une pétition, tout dans le genre. Ouais, c'est vous. Comment ça marche les paiements pour les gens décédés, disons? Quelqu'un qui meurt pendant l'année fiscale. Ben, s'il paye l'impôt, il paye l'impôt. Là. C'est sa famille qui rattrape ça. Je pense que ça va être la succession. Je pense que oui, puis ça se peut qu'il y ait des dettes. Ça arrive. Puis c'est pour ça que des fois, tu vas refuser la succession parce que tu vas te ramasser avec des dettes et des affaires. Ou il doit de l'impôt, ça, c'est fort possible. T'as gagné de l'argent. Meurs pas. Mais oui. Il faut que tu payes, mon gars. Tu payes. Ah non, l'État, il va te chercher jusque dans la tombe. Hey, ça. Santé. Je salue les fonctionnaires qui nous écoutent. Oui. T'imagines, si c'est pas le cas, tous les gens qui essaieraient de mourir à la fin de l'année fiscale. Ah, juste à temps pour pas payer d'impôts. Ah, puis ils ressuscitent. Gagnons ça, tu vois, fin avril. Je suis cliniquement mort. C'est ça. Ah, je suis revenu. Ah, ben, maudite affaire. Je suis vivant, là. Je suis tout là, là. Et pareil, je vais avoir un retour, finalement. J'ai mal calculé. Elvis avait fait ça, puis ça s'est retourné contre lui. Ah oui, hein? Le film Flatliners aussi, que c'était des médecins qui voulaient pas payer d'impôts. Ah, clairement. Ça a mal viré. Ça a mal viré. Parce qu'eux, ils en payent. Il faut qu'ils en payent de l'impôt. Ou être très, très riche, tu sais. On a vu ça, de grandes compagnies qui payent pas d'impôts. Il y en a, qui arrive à des tours de passe-passe, des avantages fiscaux du gouvernement, puis tout ça. C'est vraiment, si t'es très, très riche, il y a moyen de t'arranger de pas payer d'impôts. Devenir... Ils veulent attirer les gens. Dans les « too big to fail ». Écoute, les Pays-Bas, tu sais, Bono qui se fait très critiquer, là. J'en parle parce que YouTube était à Montréal. V'là quelques semaines. Il a retiré son argent d'Irlande parce qu'il était trop imposé, puis il met ça dans des paradis fiscaux. Puis il fait, ben moi, je paye pas d'impôts, mais je demande à l'Irlande de donner plus à l'Afrique. Il est terrible. Il joue sur deux. Bono a fait une sortie à un moment donné contre l'Irlande, son pays, pour dire « Vous donnez pas assez aux pays pauvres. » Ouais. Mais on a appris par la suite qu'il paye pas d'impôts en Irlande. Ouais, c'est ça. Il a tout enlevé ses affaires. Je pense que c'est aux Pays-Bas, je sais pas trop, ou ailleurs. Enfin, des grosses compagnies qui ont ces réseaux-là qui fait que lui, il ne paye à peu près pas d'impôts. Ils sont tous pas d'impôts où il habite en Irlande. Ouais. Puis il demande à l'État, après ça, de participer. Je sais pas si lui, personnellement, participe. C'est pas une critique. Je connais pas les détails. Mais c'est sûr que si tu as beaucoup d'argent, j'imagine qu'il y a moyen de... Parce que les pays qui veulent t'attirer, ils disent viens chez nous. Installe-toi, tu vas dépenser, tu vas... Monaco est sur la liste grise de l'OCDE parce que, justement, ils veulent... la Suisse, un bout de temps, le secret bancaire. Ouais. Combien de listes de couleurs ils ont? Ils ont noir et gris, c'est tout. Ah oui, puis noir, doux, il y a deux pays. La liste blanche. Sur la liste grise, il y a une trentaine de pays, dont Bermude, Philippines, Panama et des endroits comme ça qui sont... plus ou moins clair. La liste noire, c'est Geneviève Brouillette, Geneviève Brouillette, le Costa Rica, puis la Malaisie. Michel Blanc. Ils sont trois. Il n'y avait pas Robert Graban là-dedans? Je sais pas s'il jouait là-dedans. Mais ouais. Mais on se fait rattraper. Ouais. Les impôts, ils vont chercher des criminels, même maintenant, qui sur les revenus de vente de drogue ou quelque chose comme ça. Oui. Le fisc évalue combien on fait d'argent. Vous nous vêtez en taxes, pas en revenus. Est-ce que c'est vrai que quand ils les arrêtent, ils disent « T'as voulu connaître le paradis? » Non, Mathieu. Bienvenue en enfer! Ça, c'est ça. Ça serait une légende urbaine. Ouais, on m'a dit l'enfer ça. L'enfer fiscal. La fiscaliste avec qui tu couchais qui m'a dit ça. Ah, moi, ça? Ouais. Oh! Donc, parce charité. Qu'on est toutes couchées avec! La flotte à Paris! Ah! Acheter des œuvres d'art. C'était au coin de la rue Boucher. Ah, oui. Il y a plein de déductions possibles, mais quand même, c'est... Tu perds de l'argent quand même. Ouais. Mais c'est toi qui décides. Tu décides des œuvres de charité, tu décides de ce que tu achètes. À un moment donné, il y a moyen de payer tout ton impôt autrement. Mm-hmm. Puis au moins, c'est toi qui le contrôle. Ouais. Tu penses que ton argent ne va pas à Dunchev. Il y a peut-être c'est investir un peu de son temps dans les partis politiques puis essayer d'influencer par... S'il se présente, c'est sûr. S'il se présente, La direction de Radio-Canada, ouais. CBC. Ouais. En même temps, s'il arrive là, puis le monde fait « Oui, on le paye 750 000, Don Cherry, mais il nous rapporte de l'argent. » Là, tu fais « Ben, laissez-le là. » C'est ça aussi la patente. Non, mais peut-être que... Celui, il dit, s'il propose quelqu'un qui rapporte plus d'argent... Ah oui, tant mieux. Ben oui. Mais comme Coke Cherry. Oh! Mais ce que je veux dire, c'est qu'il perd peut-être c'est pas bon, d'argent c'est avec Don Cherry. C'est une bonne idée. Ah, sonore. Brillant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il perd peut-être pas de l'argent avec Don Cherry. Ouais. Peut-être qu'ils vont chercher des commanditaires assez pour faire, ben, on fait de l'argent avec Don Cherry. Ouais. Mmh. Je pense qu'il ne paye pas d'impôts. Il mettre ses sous et faire autant d'argent. Clairement. Oui. Puis fermer sa Pepsi de gueule. Ouais, ça trappe. Sonore. Ça trappe à mouche. Remercier Sonore. Oui, merci. Nos enregistrements. Merci, toujours un plaisir. Je vous défie d'aller écouter notre balado, je ne sais pas quel numéro, où on n'était pas chez Sonore. Oui. La balado, on a reçu des plaintes. Oui, vraiment. C'est ça qu'on a filmé dans un étang. Le sujet était les rêves, mais ça finit en véritable cauchemar. Là, ça fait du sens. Cachez-y son Pepsi d'œuf. Qu'est-ce qu'il fait avec un serpent? Moi, ma solution préférée. Oui, allons-y. N'a pas été dite. Tu es Don Cherry. Je surfe sur ton affaire. Ouais. Avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile maintenant de créer des scandales. Ouais. Créer un scandale sur le dos de Don Cherry. Avec ses costumes et quelque chose de louche. Là, Don Cherry a pété la cerise à des enfants. Sur Twitter, on a une grosse famille qui écrit avec ses habits qui sont aussi laids que ce qu'il dit. Puis là, il a mis un lien pour aller les voir. Oui. C'est lui qu'on doit mettre en prison. Il y a Kevin Beauregard qui a écrit « Un poney rose avec ça, arrête de rêver le jeune. » Ah, c'est bon. Voilà. Moi, ma solution préférée, c'est vraiment de courir. Non, de se concentrer sur les autres, Don Cherry. Oui. Et moi, je propose à Frédéric de se prendre des cours d'anglais, devenir analyste de hockey, puis de le tasser, soit coloré. Prends sa place! Oui. Va prendre ton 750 000 $ que tu vas placer aux Bermudes. Ses cols sont tellement serrés, liés sur le bord de la crise cardiaque. Eh oui, il vieillit. Ah oui, vraiment. Ouais. Go, c'est Fred, go! Trop manger de pogo, ça me Ou bien, un nouveau pays! Oui! Le Nouveau-Brunswick! Le Nouvelle-Écosse! Un pays, ça? Non! Le Nouveau-Nouveau-Brunswick! Le Nouveau-Nouveau-Brunswick! Le Nouveau-Brunswick 2! Ben, si vous en avez des solutions, écrivez-nous. Si vous avez des problèmes, écrivez-nous. Mm-hmm. Si vous avez des commentaires, écrivez-nous. Et votez pour nous aussi sur iTunes. Là, on veut d'autres 5 étoiles, si possible. Et écrivez-nous aussi sur Twitter. Hein? On en prend, c'est sûr que vous pouvez moins nous écrire là-dessus. On a déjà reçu un problème audio. Oh. Hein? On attend toujours notre problème papier. Oui. Oui. ouais. Vous pouvez écrivez poster à ça Sonar. Chez Sonar. Oui, S-O-N-A-R-T. Ouais. À l'attention dans de... la déchiqueteuse. Pas de problème. Non, ils vont faire du papier. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? On a passé une lettre depuis 2002. Ouais. Et c'était un pigeon. Voilà. Bon. Là-dessus, messieurs. Le mot de la fin? Le mot de la fin, Antoine. Antoine. Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Ah! Ouh! problème.